Bonjour. Ce que j'ai à dire maintenant, c'est pas des choses plaisantes. Vraiment pas. J'aimerais parler de Daniel Kemp. Daniel Kemp était un homme qui est décédé quand même très jeune et qui était quelqu'un de très accompli. C'est quelqu'un qui est allé assez loin au niveau de son cursus universitaire, au niveau de la pédagogie, les sciences de l'éducation, les sciences entre guillemets. C'est aussi quelqu'un qui avait exercé le métier de paramédic, c'est-à-dire qu'il a été ambulancier. Aussi, Daniel Kemp a créé possiblement ce qu'on pourrait considérer comme le premier art martial québécois. Donc, Daniel Kemp, qui était un orateur très éloquent, puis dans ce sens-là, je ne parle pas au niveau de la rhétorique ou de la sémantique, mais c'était un orateur éloquent dans le sens qu'il possédait une haute vibration, ce qui est perceptible par les gens qui ont la sensibilité pour ça. Donc, il n'est même pas question ici d'être critique au niveau de la forme. Monsieur Kemp avait une haute vibration quand il exerçait sa parole. Or, dernièrement, je vois qu'il y a des gens sur Internet qui le traitent de faussaire, notamment des gens qui semblent être en Europe. Or, Daniel Kemp, est-ce qu'il produisait de faux papiers? Est-ce qu'il créait de faux artefacts historiques? Vous pouvez traiter Daniel Kemp de charlatan si vous voulez, mais pas de faussaire. Donc, si on a affaire à des détracteurs qui ne sont pas plus habiles que ça au niveau des termes, ça vaut même pas la peine de le commenter. Ça vaut même pas la peine de le commenter parce que Daniel Kemp n'était pas un faussaire. On peut pas démontrer certaines choses, donc on pourrait le traiter de charlatan. Il y en a qui peuvent le traiter de charlatan s'ils veulent, mais pas de faussaire. Ça montre l'extraordinaire faiblesse au niveau même de la forme de certaines personnes. Donc, nous n'avons pas espéré que de telles personnes puissent être capables d'aller au-delà de la forme pour maintenant. Mais sans être trop sévère, peut-être qu'un jour ça va se faire quand même. Nous ne pouvons juger de rien à ce niveau-là. Quand quelqu'un exerce la parole, c'est le niveau vibratoire qui doit être perçu. Dans le sens que quand ces gens-là auront la capacité juste d'atteindre la moitié de la fréquence vibratoire d'un Daniel Kemp ou d'un Bernard de Montréal, et qu'ensuite ils seront capables de détruire d'une façon correcte et réelle les formes qu'ils ont apportées, eh bien là, on en tiendra compte. Mais en attendant, ça risque pas d'arriver à ce que je vois. Et on a affaire à des ticlins, des pygmées en culotte courte qui gesticulent, et ça vaut même pas la peine d'en tenir compte. Dernièrement, j'avais eu un entretien avec David Lévesque où je traitais du fait que ben, la vie, oui, c'est de la merde, c'est-à-dire de l'expérimental. Donc, il y en a qui m'ont écrit, notamment oh, pour que la vie soit moins merdique, blablabla. Bla. Là, il y a une incompréhension, une incapacité d'aller au-delà de ce que je dis. Pourtant, je considère que la forme était adéquate. La merde, c'est le matériau de la conscience, c'est-à-dire que l'intégration, ben, ça commence dans l'expérimental au début. Puis c'est correct. Puis je ne parle pas ici de l'intégration après une fusion finie. Je parle de l'intégration au niveau de faire éclater certaines formes, puis de se réapproprier, si on peut dire, le contenu. Faire éclater le contenant, puis reprendre le contenu. Que l'énergie soit réacheminée à l'ego, si vous voulez. Donc, si il y a encore de la polarité dans le mental, c'est sûr que ce que je dis va être interprété d'une façon polarisée. Puis la merde va être vue comme de la merde, alors que moi j'en parle comme un matériau, comme une base, comme quelque chose qui peut permettre au psychologique de se briser pour se transcender, si vous voulez. Donc, toutes ces choses-là, tous ces débats-là, ces défauts débats, il ne peut pas y avoir de débat, il n'y a pas à y avoir de débat. Parce qu'il n'y a rien à débattre. Absolument rien. Donc, il y a ça que je voulais dire là, par rapport aux détracteurs là, de Daniel Kemp, que c'est même pas, on ne peut même pas considérer que c'est des détracteurs. Parce que pour être détracteur, il faut avoir la capacité au moins d'être un détracteur. C'est-à-dire qu'il faut au moins comprendre ce qu'on dénonce ou ce qu'on essaie de briser. Et ce n'est pas le cas du tout. Ce n'est pas le cas. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Puis, par rapport aussi à certaines choses qui vont faire des retours. Et oui, il va y avoir de plus en plus de renouveau de certains mouvements. C'est certain, parce que les temps vont être de plus en plus troublés. Puis peut-être que ça va être une bonne chose qu'il y ait plus de merde. Il faut que la vie soit plus merdique encore. Parce que justement, il reste des choses à casser, il reste des choses à briser. Vous pouvez, si vous voulez, traiter Daniel Kemp de charlatan, si vous voulez, vous pouvez traiter Bernard de Montréal de charlatan. Mais c'est pas ça qui va empêcher ce qui s'en vient pour l'Europe, entre autres. Donc, nous avons affaire à des gens qui ont un niveau très, très, très bas vibratoirement. Et c'est ça qui fait qu'il va y avoir de la merde. Pourquoi? Parce que c'est des lois. C'est des lois. C'est-à-dire que un bon niveau de conscience collectif va engendrer de la merde collective. Et ça va barder. Ça n'a pas le choix. Donc, de traiter Daniel Kemp de faussaire, alors que, bon, le vrai terme, ça serait plus de le traiter de charlatan, ça n'empêchera pas les forces de forcer une intégration de force. Puis s'il n'y a pas cette intégration qui se fait, ben ça va aller vers la mort. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont mourir dans les années qui viennent. Puis ça, c'est pas de ma faute. Le fait que j'en parle, c'est pas parce que j'endosse ça. Au fond, c'est des choses qui n'ont rien à voir avec mon opinion puis qui n'ont rien à voir avec ma perception. C'est des choses qui ont toujours exercé leur loi depuis toujours au niveau de l'histoire de l'humanité. Donc, c'est ce que j'avais à dire pour maintenant. Bonne journée.